My music. Quand on pose nos voix sales, le son qu'on produit ici vient faire des scandales. C'est sûrement pas, ma musique est insensible. On prend le contrôle de la place, alors l'ambiance devient horrible. Les gars taxent le jeune gros pour 5 balles. Pendant que nous on rappe le shit, puis on pète la cymbale. Kiffe ma musique pendant que la haine s'accentue. Les brodeurs arrivent d'un bac, yo maintenant tu te sens plus. Trop de pesant pour l'opposant représentant. Premier dans les rangs pour les enfants. Tu n'es que l'autre, tu te retrouves en sang. Faites le pansement, reprends la forme, je change ta vie pour de l'encens. Tu me trouves offensant, tu me trouves pas sensé. Fille tout pose, apparence mon gars, c'est juste je suis passif. On n'est pas sans griffe, on est plus que ça. C'est la 6, t'en sous, c'est participe au plus de l'artiste. Ma musique, ma rose, yeah. My brothers et ma fools. So good.